le soleil coule. Le soleil cogne, les murs vibrent. J'ai branché ma tourelle sur les platines. Elle fait des headshots en BPM. J'ai repeint la base en rose fluo. Même les snipers dansent sur le toit du dôme. On recycle les nous pour faire des beats. Et les drones lâchent des confettis. La tourelle DJ balance du lourd. Rafale en boucle, ça fait l'amour. On tire en rythme, on loot en paix. Rider skill dans la base, soirée parfaite. Les murs claquent sous les basses de la C4. Un drop, un flash, un beat, un regard. Y'a du stuff, plein les sacs à dos. Mais ce soir, de l'air, y'a des sacs à chaud. Un tir, un pas, un cri, un yo. Les torches allumées sous les drapeaux. Tout est...